كيف حالهم حين يقومون؟ الله يقول في هذه السورة: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. تخيل وأنت واحد من هذا العالم الذي هو كالفراش، تخيل نفسك وأنت في هذا العدد الهائل والزحام المخيف. يسور الله خروج العالم من أجدادهم، فيقول في كتابه الكريم: فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. سبحان الله، حين ينتبه هذا الإنسان ولا يدري من قام معه، فيرفع رأسه ينفض الغبار، فيفاجأ بأن الأرض كلها قد ملئت بالناس، كل واحد يقوم من مكانه، كل واحد ينتفض من بقعته، وإذا بالأرض قد كسيت بالخلق والناس يدهشون. يداهمهم هذا الأمر فيندرعون من هذه المفاجأة، وخاصة العصاة. فتخيل هذا العدد، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. أنت واحد من هذا الجراد المنتشر. شيخ الدي، comment sont-ils alors qu'ils se lèvent? Allah dit dans cette sourate, dont la traduction du sens est: c'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Imagine-toi, mon frère en Allah, ma soeur en Allah, que tu seras l'un de ces gens qui seront comme des papillons éparpillés. Imagine-toi que tu seras l'un de cette grande multitude et de cette effroyable cohue. Allah décrit la sortie des gens des leurs tombes en disant, ce dont la traduction du sens est: détourne-toi d'eux, le jour où l'appeleur appellera vers une chose affreuse. Les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées. Sourate Al-Qamar, verset 6 et 7. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque cet individu s'éveillera et qu'il ne saura pas qui s'est levé avec lui, il lèvera la tête en s'époussetant et il sera alors surpris que toute la terre soit remplie de gens, chacun se levant de son endroit, chacun se soulevant de son emplacement. Et voici que la terre est revêtue de gens et les gens seront stupéfaits. Cette affaire les surprend et donc ils seront remplis de stupéfaction. Et surtout ceux qui étaient désobéissants parmi eux, al-usat, ceux qui étaient désobéissants vers Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine-toi ce nombre. Les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées. Toi, tu seras l'un de ceux qui seront comme des sauterelles éparpillées. Nul n'est en droit d'être adoré à part Allah subhanahu wa ta'ala. تخيل قومتك وبعثتك من الأرض وانتفاضتك. يقول ربنا في كتابه الكريم: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. من الأجداث أي من القبور، فالله سمى القبور بالأجداث، والعرب تسميها قبورا وأجداثا، وقد سمها الله قبورا وأجداثا. إلى ربهم، إلى أين؟ إلى ربهم. شيخ الدي، imagine toi ton réveil et ta résurrection de la terre et que tu te lèveras. Notre Seigneur dit dans son noble livre, selon la traduction du sens est: et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur. Nous serons tous sans aucun doute parmi ces gens-là. Sois sûr de ça. Sourate Yassine, verset 51. Min al-ajdas, c'est-à-dire al-qubur, les tombes. Car Allah subhanahu wa ta'ala a appelé les tombes ajdas et qubur. Car les Arabes les appellent qubur et ajdas, les tombes. Vers leur Seigneur, vers où? Vers où ils vont se précipiter? Vers leur Seigneur. Et Chir, il pose cette question. Pose-la toi-même. Aïna, ya man yafirru min rabbi al-yoma, aïna masiruka, aïna musakarruka, aïna satafir, biman talja, biman testerith hina al-khuruj, biman testerith. Ila rabbim, hatta al-usah, yansilun. أي يسعون لا يملكون لأنفسهم حولا ولا قوة. فلذلك يقول الله عز وجل: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا. إلى أين مسرعين؟ كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. شيخ يلدي هو تا ديستيناسيون بوز با لا كيسيون هو تا ديستيناسيون ها يلدي او celui qui fuit aujourd'hui de son seigneur où est ta destination où est ta demeure où fuiras-tu ce jour-là toi qui fuis aujourd'hui de ton seigneur ce jour-là où tu fuiras chez qui te réfugieras-tu le secours de qui imploreras-tu lorsqu'il sera temps de sortir crains Allah mon frère en Allah repens-toi Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'il soit trop tard si tu viens de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu es loin de la pratique reviens vers Allah il n'est pas trop tard tant qu'il y a de la vie tu peux encore revenir qu'est-ce que tu attends tu attends qu'il soit trop tard que tu ne dis pas que tu sors de la mosquée tu meurs ou demain ou après demain Allahu a'lam. Et ne sois pas dupe du fait que tu sois jeune. Combien de jeunes meurent? Combien de janazat ont pris sur certains naufrages qui sont morts très jeunes? Certains parmi peut-être morts dans le ma'siya. Morts allant vers le ma'siya, morts allant vers la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'as-tu pas peur de mourir dans cet état? Il faut se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Vers leur Seigneur. Tous, même les désobéissants vers leur Seigneur. Ils se précipiteront, c'est-à-dire ils iront et ne posséderont pour eux ni force ni puissance. Ils se précipiteront vers leur Seigneur. C'est pour cela que la traduction du sens de la parole d'Allah dit « Laisse-les donc s'enfoncer dans leur mécréance et se divertir jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour dont on les menaçait. » Le jour où ils sortiront des tombes, comment ils vont sortir ?« Musri'in » rapide. Rapide vers où ? Rapide comme s'ils couraient vers des pierres dressées. Leurs yeux seront abaissés, l'avilissement les couvrira. C'est cela le jour dont on les menaçait. Sourate Al-Ma'arij, versets 42 à 44. Imagine-toi cette sortie, aux frères de foi. Hein? Ouvrez vos cœurs, ya ikhwa. Il ne faut pas écouter avec les oreilles, il faut ouvrir avec le cœur. Yanni, si ce qu'on dit là, ça ne te touche pas, tu as un gros problème. Ton cœur, il est malade. Cherche le remède. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça doit bouger, lever ton cœur. Le secouer fortement afin que tu changes. Et pas qu'on continue notre vie comme si de rien n'était. Alhamdulillah, j'ai écouté un rappel. Akhlas, ma'alish. Kif. Imagine-toi la résurrection des gens d'une manière étonnante et rapide. فتخيل أخ الإيمان إلى هذا الخروج وتخيل إلى انبعاث الناس بصورة عجيبة سريعة يخرج الرجل لا يستطيع أن يملك نفسه ولا أمره ولا يستطيع أن يتصرف في مشي ولا في خطاه فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون الصالح والطالح والمؤمن والكافر الكل إلى الله أيستطيع أحد أن يتخلف إذا جاهد القرار أيستطيع أحد أن يختبئ إذا جاهد الأمر الرباني أيستطيع أحد أن يمتنع إذا جهاد الطلب؟ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون الكل يحضر الكل يحضر لا يستطيع أحد أن يتمانع أو يتخلف أينسى الله أحد؟ أيغفل عن أحد؟ لا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لقد احصى الله الكل شيخ يلدي l'homme sort sans qu'il ne puisse même se retenir lui-même et sans qu'il ne puisse être maître de sa marche et de ses pas tu n'as pas le choix ce jour-là tu te lèves et tu te précipites vers ton seigneur et voilà que des tombes elles se précipiteront vers leur seigneur le vertueux et le mauvais le croyant et le mécréant tous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Chéri, pose une question. Quelqu'un pourra-t-il manquer à l'appel lorsque cette décision arrivera? Est-ce que quelqu'un pourra manquer à l'appel? Personne. Personne. Quelqu'un pourra-t-il se cacher lorsque viendra cet ordre divin? Où vas-tu te cacher? De qui vas-tu te cacher? Hein? Quelqu'un pourra-t-il s'en empêcher lorsque la demande viendra? La traduction du sens de la parole d'Allah dit: ce ne sera qu'un seul cri Et voilà qu'ils seront tous amenés devant nous. Sourate Yassine, verset 53. Cher, tout le monde sera présent. Et personne ne pourra s'en empêcher ni manquer à l'appel. Allah oublierait-il quelqu'un? Hein? Allah omettrait-il quelqu'un? Cher, il dit non. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux, sans exception un serviteur. Tous. Il les a certes dénombrés et bien comptés. Et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. N'oublie jamais ça, tu seras seul. Tout le monde sera innocent de toi. Ta propre mère, ton propre père, ton frère, ta sœur, ton ami, ton intime. Nafsi, nafsi. Ma personne, ce jour-là. N'oublie jamais ça. Tu seras seul devant Allah, Rabbil Alamin. N'oublie jamais ça, mon frère en Allah. Donc toi, réfléchis maintenant avant de suivre des gens dans des voies qui peuvent t'amener loin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu seras devant ton Seigneur, tu seras seul à remettre des comptes. Et les versets que j'ai cités, sourate Maryam, versets 93 à 85. Allah les a certes tous dénombrés. Et puis, Cheikh, il dit encore une fois cette parole forte. Et il dit: فتخيل يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ترى الأرض تتشقق وتنفتح من أجل أن تخرج خباياها والوديعة التي أودع الله فيها ومن أجل أن تخرج أثقالها وما فيها فالأرض حامل يوشك أن تلد الأرض حامل يوشك أن تضع حملها وأن تقذف بفلدات كبدها. Cheikh il dit: imagine-toi donc le jour où le crieur criera d'un endroit proche, le jour où ils entendront en toute vérité le cri. Voilà le jour de la résurrection. C'est nous qui donnons la vie, donnons la mort. Et vers nous sera la destination. Le jour où la terre se fendra, les rejetant précipitamment, ce sera un rassemblement facile pour nous. Sourate Qaf, verset 41-44. C'est nous qui donnons la vie, donnons la mort. Hein? Pense-toi, imagine-toi. Maintenant, c'est fini pour toi. Tu meurs tout de suite. Et les gens, ils te lavent. Et ils font salat janaza sur toi. Imagine-toi. Aujourd'hui, tu pries sur les gens et demain, il sera prié sur toi. N'oublie jamais ça. Un jour, tu seras cette forme, couché. Hein? N'oublie jamais ça. Wala hawla wala quwwata illa billah. Cheikh, il dit, sur la trave, verset 41-44, le jour où la terre se fendra, les rejetant précipitamment. Wa idal ardu muddat وألقت ما فيها وتخلت وأدنت لربها وحقت وإذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. Cheikh il dit: le jour où la terre se fendra, les rejetant précipitamment, tu vois la terre se fendre et s'ouvrir afin de faire sortir ce qu'elle contient et les dépôts qu'Allah y a laissés, et afin qu'elle fasse sortir ses fardeaux, les enterrer. La terre est enceinte et elle est sur le point de donner naissance. La terre est enceinte et sur le point d'accoucher. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: et que la terre sera nivelée et qu'elle rejettera ce qui est en son sein, c'est-à-dire qu'il est mort, nous un jour ou l'autre, et se videra, et que l'obéira ton Seigneur et fera ce qu'elle doit faire. Sourate Al-Shiqaq, versets 3 à 5. N'oublie pas, quand tu seras mort, c'est trop tard, tu ne peux plus faire d'action, c'est trop tard. Tu voudrais peut-être venir vers Allah, te repentir, prier plus, faire plus de bonnes actions, demander pardon aux gens. Hein, si tu leur as fait du tort, tu leur as fait du mal, c'est trop tard. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: et quand la terre tremblera d'un violent tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux, et que l'homme dira: qu'a-t-elle? Sourate Al-Zalzala, versets 1 à 3. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ لمن ألجأ؟ بمن استغيث؟ من يغيثني؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ أين سنفر؟ تخيل نفسك يا أخي وأنت عاري الجسد حافي القدمين، أين تفر؟ إلى من تلجأ في هذا الموقف العصيب؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، فرارنا إلى الله سبحانه وتعالى. L'homme ce jour-là, il dira à qui me confier, implorer le secours de qui, hein? Il dira l'homme ce jour-là, où fuir? Surat al-Qiyama verset 10. À qui me confier, implorer le secours de qui? Qui me secourra? L'homme ce jour-là dira, où fuir? Où fuirons-nous? Imagine-toi mon frère, alors quand ton corps est nu et que tu es pieds nus, où fuiras-tu? Où fuiras-tu? Vers qui te réfugieras-tu de cette position difficile? La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Non, point de refuge. Vers ton Seigneur sera ce jour-là le retour. » Sur le Qiyama, versets 11 et 12. Chir dit « Notre retour est vers Allah subhanahu wa ta'ala. »« Wa fadihata. »« Ida ji'na Allah azza wa jal nahmilu al-zunub wal-uyub. » والسيئات وفضيحتها قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم ساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وفضيحتها إذا قابلنا ربنا بذنوبنا وفضيحتها إذا فضحنا الله وأخرج خبايانا وأسرارنا وكلنا لنا أسرار وخبايا ومصيبتاه من هذا اليوم العصيب يوم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون اللهم لا تحملنا أوزارنا يا ربنا الشيخ يقول كون دي او quelle honte si nous retournons vers notre Seigneur portant les péchés et les défauts et les mauvaises actions, quelle honte. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Sont perdants certes ceux qui traitent de mensonge la rencontre d'Allah. Et quand soudain l'heure viendra, ils diront « Malheur à nous pour notre négligence à son égard. » Et ils porteront leur fardeau sur leur dos et quel mauvais fardeau !» Surat al-An'am verset 31. Cheikh dit « Oh quelle honte si nous rencontrons notre Seigneur avec nos péchés. » Et nous avons tous des péchés. Tous. Tous. Nous tous. Oh, quelle honte si Allah nous expose et fait sortir nos secrets et ce que nous cachons en notre sein. Et nous avons tous des secrets. Et nous avons tous des choses que nous cachons. Oh, quel malheur alors que ce jour difficile. Et ils porteront leur fardeau sur leur dos. Et quel mauvais fardeau. Et Cheikh il fait une doua, dit « Allah, oh Allah, ne nous fais pas porter nos fardeaux, oh notre Seigneur. Allahumma amin. » Écoutez comment il est ce jour. Il faut cerner la gravité de ce jour. Cheikh il dit « فتخيل أخ الإيمان نفسك وهذا الموقف الذي تشيب له مفارق الولدان. تشيب له مفارق الولدان. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. فكيف تتقون وكيف تتقون عذاب الله في هذا اليوم العصيب وفي هذا الموقف الرهيب الذي تشيب له الرؤوس. Regarde comment ce jour il est grave. Comment Allah Azzawajal l'a décrit ce jour-là. Allah subhanahu wa ta'ala, ton créateur, le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Imagine-toi, ô frère de foi, cette situation qui rend les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs. La traduction du sens de la parole d'Allah dit... Comment vous préserverez-vous si vous mécroyez d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs et durant lequel le ciel se fendra et sa promesse s'accomplira sans aucun doute. Sourate Muzammil, versets 17 et 18.

devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, l'unique, le dominateur suprême, subhanahu wa ta'ala. Et ce jour-là, tu verras les coupables. Comment ils seront les coupables? Enchaînés les uns aux autres. Muqarranina fil asfat. Surat Ibrahim, versets 48 à 49. هذه الجبال ينسفها الله فيها فيا لتلك الأصوات التي تحدث من جراء نسف الجبال ما أشدها ألا ترى أخ الإيمان لو تشقق زجاج رقيق كيف نسمع له أصوات مزعجة فكيف إذا رفع الله الأرض والجبال فدكها دكة واحدة وسحقها ها الشيخ الديسي ces montagnes Allah les dispersera. Quel son fera cette dispersion des montagnes? Comme ce son seront forts. Ne vois-tu pas, ô frère de foi, si du verre venait à se briser, comment nous entendrions un bruit dérangeant? Qu'en sera-t-il alors lorsqu'Allah lèvera la terre et les montagnes et les pulvérisera et les réduira en poussière? Hein? Est-ce que vous sentez un peu la gravité de ces paroles ou pas? Hein? Qu'en sera-t-il lorsque les rochers, Cheikh il dit, كيف عند أن تطم الصخور بالصخور والجبال بالجبال والأكام بالأكام وتتلاطم الأرض وتحمل وترمى كيف تكون تلك الأصوات من سماع تلك الجبال والرسول صلى الله عليه وسلم يسأله الحبر اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير السماوات الأرض غير السماوات والأرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر وكما ذكر شيخ الإثيوبي هنا دون بمعنى فوق برواية عائشة عند مسلم في صحيحه شيخ il dit quand sera-t-il lorsque les gens lorsque les rochers s'entrechoqueront et les montagnes s'entrechoqueront et les monticules s'entrechoqueront et la terre s'entreheurtera et sera portée et jetée imaginez-vous ça on ne peut pas s'imaginer Allah nous l'a décrit subhanahu wa ta'ala. Comment seront ces sons venant de ces montagnes? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut questionné par un érudit juif. Il lui dit, où seront les gens le jour où la terre sera changée et les cieux? Où est-ce qu'ils seront les gens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, lui a dit, ils seront dans l'obscurité sur le pont. Hein? Et pourquoi j'ai traduit ici Duna par Fawqa? Parce que Cheikh Mohammed ibn Adam al-Ethiopie, il a dit que Duna dans la langue arabe, il a 9 sens. Il a le sens de en dessous, mais le sens aussi de au-dessus, et d'autres sens encore. Hein? Et cette traduction ici, c'est en fonction de Fawqa, dans la riwaya d'Aïcha, dans Sahih Muslim, numéro 2791. Ils verront donc, Cheikh, il dit, فَهُمْ يُشَهِدُونَ هَدَ التَّغْيِيرِ الرَّهِيبِ وَهَدِ الْمَوَاقِفِ الْمَخِيفَةِ يُشَهِدُونَ بُرُوزَ الْجِبَالِ وَالْأَرْضِ وَتَسِيرِ الْجِبَالِ وَدَكَّهَا يُشَهِدُونَ الْكَوْنَ وَهُوَ يَتَغَيَّرُ والسماء وما يحدث لها إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وانشقت السماء فهي يومئذ واهية هي بناؤها وتشقق وتصدع وتفطر إذا السماء انفطرت والكواكب انتثرت انخرط نظامها الشيخ يقول هنا Ils verront donc ces changements terrifiants et ces situations terrifiantes. Ils verront l'éminence des montagnes et de la terre et l'avancée des montagnes et leur tassement. Imagine-toi ça, ya Khifillah. Ils verront donc le monde changer et le ciel et ce qui lui arrive. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Et quand le ciel se déchirera et obéira à son Seigneur et fera ce qu'il doit faire. » Le ciel obéira à son Seigneur. Surat al-Inshiqaq, versets 1 et 2. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Et le jour où le ciel sera fendu par les nuages et qu'on fera descendre des anges. » Surat al-Furqan, verset 25. Allahu Akbar. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Et le ciel se fendra et sera fragile ce jour-là. » Surat al-Haqqa, verset 16. « Et c'est sa construction. Et il se fendra et se fissurera et se rompra. » Imagine-toi le ciel. La traduction du sens de la parole d'Allah dit quand le ciel se rompra et que les étoiles se disperseront. Surat Al-Infitar, version 1 et 2. Verset 1 et 2. Son organisation fondra. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, et c'est le verset qui dit, يَوْمَ نَطُوا السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِّلِ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّ فَاعِلِينَ. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, le jour, quel jour, où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau de livre. Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Sourate Al-Anbiya, verset 104. يقول رب العالمين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الله أكبر. لا إله إلا الله. انظر إلى تغيير الكون العلوي والسفلي، وهذا كله من أجل أن تنال جزاء عملك. ويبين الله في هذه السورة العظيمة فيقول يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Ils n'ont pas estimé Allah comme il devait l'être alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée. Et les cieux seront pliés dans sa main droite. » Subhanah. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qui lui associe. Surat Az-Zumar, verset 67. Regarde la transformation du monde supérieur et inférieur. Et tout cela afin que tu obtiennes quoi ? La récompense de ton action. Et Allah met en évidence cela dans cette sourate en disant ce dont la traduction du sens est, c'est-à-dire sourate Al-Qari'a. C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés et les montagnes comme de la laine cardée. L'ayn al-manfous, c'est quoi l'ayn dans la langue arabe? Eh bien, c'est de la laine. La laine cardée, l'ayn al-manfous, c'est la laine, comme c'est rapporté dans la langue arabe, qui a faibli et dont les filaments se sont dispersés et que le moindre vent emporte. Hein? Les montagnes seront comme cette laine cardée, comme ça. Imagine-toi ça. Ces filaments s'envolent et se dissipent. Le cheikh, il dit, ما هو العين؟ العين هو الصوف. وتطايرت شعراته بالنتف لأنه نطف حتى تطايرت شعراته وهكذا الجبال تصبح كالصوف إذا نطف. وهذا حدث ليرى كل عبد مصيره فأما من ثقلت موازينه. Maintenant, on a rapporté ce jour-là comment il est. Maintenant, on va voir les différents types de personnes, les différentes catégories de personnes ce jour-là. Chéril dit, ces filaments s'envolent et se dissipent, et de même les montagnes qui deviendront telles de la laine qui se dissipe. Puis Chéril dit, quant à celui dont la balance sera lourde. Ça, c'est la suite de la sourate. Hein? Thaqulat mawazinou. الشيخ يقول هنيئا لمن ثقلت موازين حسناته ورجح ميزان حسناته على سيئاته هو الذي يعلن فوزه وفرحته في ذلك اليوم فأما من ثقلت موازينه بالصلاة الخمس في أوقاتها ثقلت موازينه بصيام شهر رمضان وبزكاة ماله وبحج بيت الله وبالعمرة وبقراءة القرآن الكريم وببر الوالدين وبطلب العلوم الشرعية وبالسماع العلم والعلماء وبالتسبيح والتهليل وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبحسن خلقه وببره بأقربائه وبنصحه للأمة وبخوفه من الله وبقوة إيمانه ثقلت موازينه يوم أن عاش على دين الله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Grand bien face à celui dont la balance sera lourde. On demande à Allah Azzajal qu'on fasse partie de ces gens-là, ya ikhwa. Hein? Et dont les bonnes actions pèsent lourd, plus lourd que les mauvaises actions dans la balance, c'est celui qui annoncera sa réussite et son bonheur ce jour. Imagine-toi, ya khifillah, ce jour-là, tu as réussi, tu annonces ta joie, tu annonces ta réussite, tu annonces ton succès. Quelle joie! Quant à lui, celui dont la balance sera lourde, sa balance sera lourde des 5 prières en leur temps. Ô toi qui délides et néglige la prière, qui ne la prie pas du tout, ou la prie pas en son temps, crains Allah. sa balance sera lourde de son jeûne du mois de Ramadan. Et ce sont de son aumône légal prescrit de la zakat. Toi qui as de l'argent qui ne sort pas de la zakat, sors l'avant qu'il soit trop tard. Et de son pèlerinage, et de sa umrah. Hein? Ne fais pas comme certaines personnes. Non, tu es trop jeune pour faire le hajj. Va, mon frère, avant qu'il soit trop tard. Si tu as l'argent et les conditions se réunissent, c'est obligatoire pour toi. Même si tu es jeune, même si tu es très jeune. Va, n'écoute pas les gens. Hein, ils vont te faire rater cette obligation de l'islam, ce pilier de l'islam. Qui va te dire Allah Rabbil Alamin? Si tu avais les conditions pour faire le hajj, tu n'as pas fait ton hajj. Et de sa umrah, et de ses lectures du noble Coran, hein? Et de la bonté envers les parents, ya ikhwa. Allah, fil walidin, ya ikhwa. Craignez Allah envers vos parents, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Que le shaitan ne vient pas me choubouha dire non, mes parents c'est des koufars. Hein? Là. Alors dans le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? Wa laqad ataina luqman al-hikmata an yashkur lillah, wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi. Hein? ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. Il commence la recommandation Luqman le sage à son fils. Par quoi? Par le fait de ne pas associer Allah Azza wa Jalla, le plus important. Et puis il dit quoi? إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه عنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك et puis il te rappelle إلي المصير vers moi et le retour. Et nous avons enjoint à la personne avec ses parents, envers ses parents. Et il te dit pourquoi sa mère l'a porté. Imagine-toi, les sœurs comprennent peut-être mieux ça. Ta mère qui t'a porté pendant 9 mois, qui a porté ce lourd fardeau, qui ne dort pas bien, qui souffre, qui a mal. Hein? Et puis la délivrance, hein? L'accouchement qui est pénible, et puis l'éducation, les nuits qu'elle passe pour toi, et toi tu lui parles de travers. Tu n'as pas honte. Et tu lèves le nez devant ta mère. Le prophète Hassan lui a été demandé. Quelle est la meilleure des personnes qui est digne de ma compagnie? Il a dit ta mère, ta mère, ta mère. Après, il a dit ton père. Craignez Allah envers vos parents. Rentrez à la maison, embrassez vos parents sur le front, demandez leur pardon. Aidez-les, soyez bons envers eux. S'ils ont des dettes, payez-les. Envoyez-les à l'Hajj, envoyez-les à l'Umrah. Prenez soin d'eux. Visitez-les tous les jours. Occupez-vous d'eux avant qu'il soit trop tard. Craignez Allah. Comment on est nous par rapport à nos parents? N'estime pas être bien avec tes parents. Tu ne seras jamais assez bien avec tes parents. Et tu ne remettras jamais ce que tes parents ont fait pour toi. Il est également sûr. C'est pas fini, Aïkhoa, le verset. La suite de la page, c'est pas fini. Hein? وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعُهُمَا. Mais quoi? وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Regarde Allah, il a dit quoi? Il a dit même si tes parents, ce sont des associateurs. Ce sont des mécréants. Et ils te combattent pour que tu mécrois en Allah et que tu associes à Allah. Ne leur obéis pas en cela, mais malgré ça, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ. Sois malgré ça bon en eux. Qu'en est-il si tes parents, ce sont des musulmans, des croyants, qui t'appellent au bien? Crains Allah avant qu'il soit trop tard. Et on parle fort, pourquoi? Alors ça fait mal. Pars, va voir tes parents, les visite-les. Reste avec eux, prends soin d'eux. Hein? Certaines personnes, ils passent plus de temps avec leurs amis qu'avec leurs parents. Subhanallah. Hein? Fais da'wa à ton père, fais da'wa à ta mère. Prends un livre, assieds-toi avec eux, lis-leur l'usul talata, lis-leur l'arba'inoua, lis-leur le Coran, lis-leur le tafsir. Ils ne demandent pas mieux, en général. Hein? Ils demandent que leur fils leur passe du temps. S'ils ne sont pas musulmans, patiente. Si tu es sincère, lève-toi le dernier tir de la nuit, lève tes mains. Demande, Ya Rab, guide mes parents vers l'islam. Ouvre leur cœur à l'islam. Sois bon. La meilleure des da'wah que tu puisses faire, c'est en montrant l'islam sur toi-même d'abord déjà. Fais du'a, lève tes mains, demande. La bonté envers les parents. Et la recherche des sciences islamiques légiférées. Et des cours de la science. Et des savants. Et du fait de dire subhanallah, alhamdulillah, hein, tahlil, la ilaha illallah. Au lieu de dire des bêtises, au lieu de dire des choses futiles, fais le dhikr, mon frère. Préserve ta langue. Et de son bon comportement. Le bon comportement. Le bon comportement. Le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de sa bonté envers ses proches. Sois bon envers tes proches. Et des gens, subhanallah, à l'extérieur, ils ont une très bonne réputation, une très belle image. Ils sont bons envers les autres, mais avec leurs proches, c'est tout à fait le contraire. Kif ! Les proches, ils sont plus en droit. Tout à l'heure, je regardais dans le Sahih Muslim ici. Ummak, thumma adnak, sah ou lala. Puis le plus proche, du plus proche. D'abord les proches. Pourquoi tu vas chercher loin les proches d'abord ? Wa andir ashiratak al-aqrabin. Et appelle tes gens qui sont proches de toi. Porte-leur le message de l'islam. Et maintenant, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend sur l'islam, tu as un travail à faire en plus, tu dois retirer toutes ces mauvaises conceptions et toutes ces mauvaises compréhensions de l'islam, toute cette mauvaise image de l'islam. Tu as du travail, mon frère. Montre-leur la beauté de l'islam. Hein? Montre-leur la beauté de l'islam. Cheikh Falah Ismail, il a entendu qu'un frère se comportait mal avec ses parents. Il a fait toute une daura, tout un week-end que sur les parents. Il a écrit un livre de mémoire comme ça. Hein? Je l'ai le manuscrit, il m'a demandé de le traduire en français. Hein? Il a fait toute une daura un week-end sur les parents. Et le cheikh, il pleurait. Juste parce qu'il a entendu quelqu'un qui se comportait pas, un frère qui se revendique de la sunna, il faisait pleurer ses parents, il se comportait mal à ses parents, et ses parents, hein, que je connais personnellement, qui sont des gens, masha'Allah. Masha'Allah, ils ne demandent pas mieux, Msakini. Ils aiment la sunna. Ils sont généreux, etc. Et lui, il leur fait du mal. Nos parents, ils ne demandent pas beaucoup, comme l'a dit Jirfalah. Tes parents, ils sont satisfaits du minimum, sahoulala. Le minimum, ils ont. Une petite chose, ça les rend heureux. Rien, ils ne demandent rien de toi. Il dit, je veux juste te voir, je veux juste voir ton visage. Je veux juste avoir ta présence. Je veux savoir que tu es bien. Hier, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Maintenant, on entend ça. Qui va rentrer à la maison demander pardon à ses parents? Qui? Allahu a'lam. Hein? Qui va leur téléphoner? Qui va changer avec ses parents? Qui? Allahu a'lam. Salah, j'ai t'offert les jami'a. Qu'Allah nous facilite à tous. Et la balance est lourde aussi. Pourquoi? Parce qu'il a ordonné le convenable. Il a interdit le blâmable. Et de son conseil à la communauté. Et de sa crainte d'Allah et de la force de sa foi. Sa balance sera lourde car il aura vécu sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur le livre d'Allah. Et sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Faqulat mawazinuhu yawma an kana harisan ala al-hasanah. فقلت موازين حسناته بالطاعة والعبادة والعقيدة الصحيحة والمنهج السليم فقلت موازينه يوم أن ابتعد عن الشرور وأقبل الخير بقلبه وجوارحه فهو في عيشة راضية. عيشة رضيها ربه له ورضيها لنفسه فهو لا يريد أن يخرج عنها ولا أن يحيد ولا أن يخرج منها يقول ربنا في كتاب الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا بارك الله فيك خالدين فيها لا يبغون عنها حولا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. الله أكبر. عيشة رضيها له ربه وإلهه أرحم الراحمين الذي طالما سجد له وركع له ورضي له الذي شرع الشرع وأنزل القرآن وأرسل الرسل ورضي له الذي أمره بعبادته فعبده وأمره بطاعته فأطاعه. الشيخ يلدي sa balance sera lourde car il aura vécu sur la religion d'Allah et sur le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La balance sera lourde car il aura ardemment désiré la bonne action. Et sa balance sera lourde de bonnes actions par son adoration et sa croyance authentique et sa méthodologie correcte. Prends garde, frère en Allah, que tu sois une voie déviée et dans une secte égarée. Attention. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Allah il a dit, il y a un sirat mustaqim. Wa anna hada, et telle est certes ma voie dans toute sa droiture. Un ordre d'Allah, suivez-la et ne suivez pas les voies. Hein? Les sentiers qui sont sur le côté. Le professeur Samuel a tracé un trait dans le sol avec un grand chemin droit et à la droite et à la gauche des petits traits qui sortent du grand chemin. Et il a dit, il a cité ce verset du Coran. Et il a dit qu'à la tête, ce qu'on va voir dans le dars de demain, inshallah, à la tête de chaque sentier, il y a un shaitan qui y appelle. Attention. Il y a des gens, ils ont des drapeaux, la ilaha illallah, rasulullah, sharia, sharia, l'islam, l'islam, sunna, sunna. Fais attention, ne sois pas leurré par des slogans. Prends ta compréhension des ulama de l'islam qui sont reconnus en tant que tels et qui ont compris le Coran, la sunna, des messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils ont été, en plus des rapporteurs de la révélation, les témoins de la révélation et les témoins de la compréhension de la révélation et les témoins de la mise en application de la révélation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans le verset que j'ai cité, وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَبَ إِلَيْهِ. Les ulama ont pris l'obligation de suivre les sahaba dans ce verset-là, parce qu'ils sont les meilleurs des munibin. Hein? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه بالنواجد. Hein, les molaires, tu t'accroches à la sunna avec les molaires, comme ça tu lâches pas, même si tout le monde est égaré autour de toi. Cheikh Abu al-Jabiri rapporte toujours une superbe parole. Il dit عليك بطرق الهدى ولو قل السالكون وإياك وطرق الضلال ولو كثر الهالكون. C'est une parole d'un pieux prédécesseur. Il disait, suis les voies de guidance et si même si peu de gens les empruntent. Si toi, dans ton village, dans ta petite ville en France, la charia, tu es le seul sur l'islam, tu es le seul sur la sunna, accroche-toi avec les molaires, lâche pas. C'est toi la jama'a. Allah, j'ai le tabat. Accroche-toi. Lâche pas, khifillah. Voilà quel jannah, tu auras le paradis. Accroche-toi. Et demande à Allah qu'il t'affermisse sur sa religion. Hein? Le prophète, c'est la raison, t'as obligé de suivre les compagnons. Attention, écarte-toi des innovations religieuses et des gens des innovations religieuses. Écarte-toi de deux comme de la peste. Comme Cheikh Al-Aslan, il a fait tout dans le Khutbah Jumu'ah, il a réalisé, ils sont la peste des cœurs. Parce que la peste, elle attaque ton corps. Eux, ils attaquent les cœurs. Innahum ta'un al-qulub. Cheikh il dit, sa balance sera lourde car il se sera éloigné du mal et se sera occupé du bien avec son cœur et avec ses membres. Il sera dans une vie agréable. Allahu Akbar. Qui ne voudrait pas être dans cette vie agréable? Et comme je l'ai dit, essaye d'apprendre sur le paradis. Il faut connaître le paradis avec du détail, comme ça te motive à y aller. Et même Ibn Qayyim rahimahullah dans Nounia, il a rapporté la description des gens du paradis. Comment ils seront? Hein? Comment seront leurs cheveux? Comment leur taille? L'âge qu'ils auront? Les hommes, etc. Hein? Les délices, les saveurs du paradis. Chéri dit, il sera dans une vie agréable. Une vie qu'Allah aura rendue agréable pour lui. Il ne voudra donc pas en sortir ni la quitter. C'est une vie éternelle. Une vie éternelle dans les délices et les saveurs. Et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine-toi ça, ya khifillah. Est-ce que ça ne te motive pas à lâcher jusqu'au bout? Est-ce que tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala sur kalimat al-tawhid? Salah azil husn al-khatima. Nous demandons Allah azza wa jal que nous facilite la bonne mort et la bonne fin. qui nous prennent dans un état dans lequel il est satisfait de nous, subhanahu wa ta'ala. La traduction du sens de la parole d'Allah dit dans son noble livre, ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdaus, où ils demeureront éternellement sans désirer aucun changement. Comment pourrais-tu désirer un changement, ya Khifillah? Et toi, tu es dans le Firdaus l'A'la. Comment pourrais-tu désirer autre chose que ça? Sourate Al-Kahf, versets 107 et 108. Écoutez cette belle parole encore d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la traduction du sens est, quant à celui qui aura, on aura remis le livre en sa main droite, il dira, tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte, regardez la joie. Il jouira d'une vie agréable. Qu'Allah fasse qu'on fasse partie de ces gens-là. Slazim il fadli. Allah al-Musta'an. Surat al-Haqqa, versets 19 à 21. Une vie que lui a rendu agréable son Seigneur le plus miséricordieux, des miséricordieux, celui pour lequel il s'est longuement prosterné et s'est longuement incliné. Elle lui a été rendue agréable par celui qui a légiféré la religion et révélé le Coran et envoyé les messagers, alayhi salatu wassalam. Elle lui a été rendue agréable par celui qui lui a commandé de l'adorer et il l'a donc adoré. Celui qui lui a ordonné de lui obéir et il lui a donc obéi. Cheikh, il dit, écoutez cette belle parole, il dit, اختارها له منزلا له فهي النعم المنزل فهو في عيشة راضية هنيئا له وقد دخل الجنة هنيئا لهم وهم يدخلون الأبواب وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. شيخ يدي cette parole, نخشى أن نتخلف. وما أعظم الحسرة إذا رأينا المتقين يدخلون الجنة ونحن متخلفون. ما أشد الحسرة يا إخوان لو رأينا أهل الجنة يدخلون الجنة ونحن هناك في ساحة الحساب ننتظر قضاء الله سبحانه وتعالى. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. شيخ الدي, هل سيقال لنا هذا؟ الله أعلم, استعذ من فضله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هنيئا لهؤلاء. شيخ الدي, il lui a agréé comme résidence الجنة, le paradis. Et quelle bonne résidence! Il sera dans une vie agréable, grand bien lui fasse, il rentre au paradis. Cette dunya, tu fais que passer. Tu ne sais pas combien tu vis. Tu ne sais pas combien de jours il te reste. Ibn al-Qayyim rahimahullah dans le kitab al-Fawaid, il a dit le temps, il est divisé en deux. Il y a le temps qui est passé, on le connaît. C'est trop tard, il est passé. Tu peux faire que te repentir et demander pardon à Allah. Le temps qui reste, tu ne sais pas combien il te reste. Travaille, mon frère. Travaille. Travaille. Regardez cette foi et cette aqida, comment elle te porte. Et comment elle fait que tous les jours, sans relâche, avec constance, tu travailles parce que tu as toujours ça devant toi. Hein? Tu as toujours cette récompense, le paradis, en tête. Tu ne lâches pas. Tu travailles avec consistance, avec continuité et insistance. Pourquoi? Parce que tu sais où tu vas. Tu connais la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, la récompense éternelle. Cheikh, il dit, grand bien leur fasse alors qu'ils ont franchi les portes. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Puis quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront, salam alaykoum, salut à vous, tibtoum, vous avez été bon. Entrez donc, fatrouhouha khalidin, entrez donc pour y demeurer éternellement. Allahu Akbar. Imagine-toi, tu fais partie de ces gens-là que les gardiens t'accueillent comme ça du paradis. Imagine-toi, Khifillah. Imagine-toi. Surat Zumar, verset 73. Et Cheikh, il dit cette parole très forte. Il dit, nous avons peur de rester en arrière ce jour-là. Alors, la tristesse, et comme grande est alors la tristesse, si nous voyons les pieux entrer au paradis, alors que nous restons en arrière. Voudrais-tu être dans ce cas-là? Toi, tu vois les pieux rentrer au paradis et toi, tu es derrière. Hein? Comment est forte là alors la tristesse, ô frère en Allah, si nous voyons les gens du paradis entrer au paradis, alors que nous sommes là-bas sur la place du jugement, attendant le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, comment te sentirais-tu? Toi, tu vois le muttaqoun entrer fi jannati al-na'im. Cela azim min fadli. Et toi, tu es en arrière. Hein? N'as-tu pas peur? Si tu n'as pas peur quand je dis ça, akhifillah, tu as un gros problème là. Ton cœur, il est bien malade. Cherche la guérison. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Il dit grand bien. Il dit, cher, la traduction du sens de la parole d'Allah dit, ses gardiens leur diront, salut à vous, vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. Surat Zumar, verset 73. Cher, il dit, cela nous sera-t-il dit? Est-ce que cela nous sera-t-il dit? Allahu a'lam. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, et ils diront, louange à Allah qui nous a tenu sa promesse et nous a fait hériter la terre. Nous allons nous installer dans le paradis, là où nous voulons. Que la récompense de ceux qui font le bien est excellente. Surat Zumar, verset 74. Cher, il dit, grand bien face à cela. Tachayel nafsaka ya akhi. عند النتيجة ووضع الميزان ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تخيل أخي وقد جمع الله لك الحسنات التي نسيتها وحفظها لك الله سبحانه وتعالى. تخيل وقد جاء الله بالصغار الحسنات كبارها ووضعها لك في الميزان. تخيل عند انصرافك من الميزان وأنت فرح مسرور بالفوز. يا لها من فرحة، يا لها من فرحة. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الفلاح، الفلاح يا عباد الله، الفلاح بفعل الطاعات، الفلاح بجمع الحسنات، الفلاح بترك السيئات، فأولئك هم المفلحون. Imagine toi mon frère lors du résultat et la pose de la balance. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nul âme ne sera lésé en rien. Fils du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir, nous suffisons largement pour dresser les comptes. Surat Al-Anbiya, verset 47. Imagine-toi, oh mon frère, alors qu'Allah t'a regroupé les bonnes actions que toi-même tu avais oubliées et qu'Allah t'avait préservées. Imagine-toi qu'Allah t'amène les petites et les grandes bonnes actions et les place pour toi sur la balance. Allahu Akbar. Imagine-toi lorsque tu pars de la balance, étant heureux de la réussite. Oh, quelle grande joie, oh, quelle grande joie. Tu fais partie des gens qui ont réussi, qui vont le Jannah. Chéri dit, la traduction du sens de la parole l'a dit, donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Surat Al-A'raf, verset 18. Chéri dit, la réussite aux serviteurs d'Allah. La réussite par la mise en pratique des actes d'obéissance à Allah. La réussite par l'amassement de bonnes actions. La réussite par l'abandon des péchés. Voilà ceux qui réussiront. Maintenant, on a parlé de cette catégorie. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que nous fassions partie de ces gens-là qui accèdent à ce succès, à ce fawz, à cette joie, à rentrer dans cette demeure éternelle du paradis de l'Firdaus. Et maintenant, on parle des autres. Et t'achayil l'okhra. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. تخيل هذه النتيجة المشؤومة المنحوسة. تخيل هذه النتيجة التي يحاول العبد أن يفر منها. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. الله المستعان. العبد يفر يوم القيامة من فعل يده ومن فعل قدميه ولسانه ومن فعل سمعه وبصره ومن فعل جوارحه. كان يتلذذ بها في الدنيا وكان مسرورا بها. لماذا يفر يوم القيامة منها؟ لأنه يعرف أنها كانت سببا في شقائه ونكيده وعذاب الله له ما أسوأها من نتيجة. Imagine toi l'autre maintenant. Quant à celui dont la balance sera légère, والعياذ بالله, nous cherchons refuge en Allah contre cela. Sa mère, sa destination est un abîme très profond. Imagine-toi ce résultat néfaste et malheureux. Imagine-toi ce résultat dont les serviteurs essayent de fuir. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Surat Ali Imran, verset 30. C'est Allah dont nous implorons l'aide. Le serviteur fuit le jour du jugement dernier de ce qu'il a commis de sa main, toi qui fais de ta main haram, et de ce qu'ont commis ses pieds de haram, et de sa langue a commis de haram, et de ce qu'ont commis son ouïe, ce qu'il a écouté de haram, et sa vue, ce qu'il a regardé de haram, et de ce qu'ont commis ses membres de haram. Et il les utilisait pour ce plaisir, son plaisir dans ce bas monde, et était heureux de cela. Pourquoi fut-il donc de cela le jour du jugement dernier? Car il sait quelles sont les causes de sa perte et de son adversité et du châtiment d'Allah pour lui. Quel mauvais résultat! Et quant à celui dont la balance sera légère, qu'y a-t-il pour lui? Qu'y a-t-il pour lui? Que va-t-il lui arriver? Regarde, sa mère, sa destination est un abîme très profond. قال العلماء رحمهم الله فأمه أي أمه التي تضمه فهو يرجع إليها وقال بعضهم أمه أي بأم رأسه يهوي في النار وبعض هذا شر من بعض وهاوية اسم من أسماء النار فتخيل لو سقط هذا المسكين على رأسه في النار تخيل وهو يهوي في أجواء النار والنار قعرها بعيد النبي صلى الله عليه وسلم سمع وجبة يوما من مع أصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا؟ قال والله ورسوله أعلم قال هذا حجر رمي به حجر عفوا رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها فكيف سيحدث المسكين نفسه لو ظل يهوي في أجواء النار ويقطع هذه المسافة الطويلة كيف سيراجع حسابه سيقول ما لي لماذا ما أطعت ربي ما لي لماذا ما أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا فلان هو الذي أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني شغلني هذا فلان نكر الله اسمه فهو نكرة في الدنيا والآخرة Les savants qu'Allah leur fasse miséricorde, ils ont dit sa mère, sa destination, c'est-à-dire sa mère qui l'attire à elle et donc il revient à elle. Et certains ont dit sa mère, c'est-à-dire qu'il tombe en enfer sur la base de sa tête. Et l'un est pire que l'autre. الحاوية ها هاوية c'est un des noms de l'enfer. Il donne une référence d'Ibn Kathir dans son tafsir. Cheikh, il dit, écoutez cette parole, il dit, imagine-toi ce miséreux qui tombe en enfer sur sa tête. Imagine-toi qu'il tombe dans les abîmes de l'enfer et le fond de l'enfer est loin. N'as-tu pas peur d'être parmi ces gens-là? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, écoutez pour voir la profondeur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a entendu un jour un bruit de quelque chose qui chute. Et avec ses compagnons, il leur a dit, savez-vous ce que c'est? Ils dirent, Allah et son messager sont les plus savants. Il dit, c'est une pierre qui a été jetée en enfer depuis 70 années. Elle tombait en enfer jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'elle touche son fond. Rapporté par Muslim numéro 2844, d'après Abu Hurayra, radiallahu anhu arda. Que se dira ce miséreux à lui-même, s'il continue à tomber en enfer et parcourt cette longue distance? Qu'est-ce qu'il va se dire à celui-même? Comment reverra-t-il ses comptes pendant toute cette distance? Hein? Il se dira, qu'ai-je? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi n'ai-je pas obéi à mon Seigneur? Qu'ai-je? Pourquoi n'ai-je pas obéi au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Qu'ai-je? Pourquoi n'ai-je pas obéi au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Écoutez la parole d'Allah dans la traduction du sens. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira, hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré loin du rappel au Coran après qu'il me soit parvenu et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Sourate Al-Furqan, verset 27 à 29. Hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. C'est un tel qui m'a égaré loin du rappel après qu'il me soit parvenu. C'est lui qui m'a occupé. Ici en arabe, Fulanan, c'est Nakira, c'est indéfini. Il est donc indéfini dans ce bas monde et dans l'au-delà. Cheikh, il dit, ماذا فعل بك خليلك والمعصية تأتي من عند الخليل والحبيب والقريب لقد أضلني عن الذكر عن القرآن الكريم والسنة عن الصلاة والطاعة والعبادة والعلم وفعل الخيرات أضلني عن فعل الطاعات والواجبات والمستحبات لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ما أشد هذه الحسرة التي تنزل على قلوب العصاة يوم القيامة أتنفع هذه الحسرات أتنفع صاحبها أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن لي أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين حين ترى العذاب حين تقف أمام العذاب على شفير النار ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين يا ليتنا نرد إلى الدنيا تخيل هذه الحسرة يا أخي ما أشدها Que t'a fait ton compagnon? Le péché vient du compagnon et de l'aimé et du proche. Ils m'ont en effet égaré loin du rappel, loin du noble Coran et de la sunna et de la prière et de l'obéissance à Allah et de l'adoration et de la science et de bonnes actions. Il m'a éloigné des bonnes actions à faire et des obligations et des actes préférables. Si tu vois quelqu'un, il t'appelle à l'khair, au bien, il t'appelle à venir à la mosquée, il t'envoie des textes pour que tu viennes écouter un dars, pour écouter le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sache qu'il te vient bien, qu'il t'aime vraiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut ton bien pour toi, pas pour lui, il veut ton bien pour toi. Il veut que tu viennes, que tu écoutes, que tu aies un rappel, que tu changes, que tu ailles à l'Jannah et que tu t'écartes de l'enfer. C'est celui-là qui t'écarte, c'est celui-là ton vrai ami. Ton vrai ami, c'est celui-là ton frère en Allah azawajal qui t'aime en Allah azawajal. Vraiment, de manière véridique. Il te tient loin des obligations et des actes préférables. Il m'a en effet égaré loin du rappel, le Coran après qu'il me soit parvenu, et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Quelle grande tristesse qui descend sur les cœurs des désobéissants le jour du jugement dernier. Ces tristesses, est-ce qu'elles seront bénéfiques? Ces tristesses lui seront-elles bénéfiques? La traduction du sens de la parole d'Allah dit, avant qu'une âme ne dise, malheur à moi pour mes manquements envers Allah, car j'ai été certes parmi les railleurs. Ou qu'elle ne dise, si Allah m'avait guidé, j'aurais été certes parmi les pieux. Ou bien qu'elle ne dise, en voyant le châtiment, quand? En voyant le châtiment. Ah, s'il y avait pour moi un retour, je serais alors parmi les bienfaisants. Sourate Zumar, versets 56 et 58. Ou bien qu'elle ne dise, en voyant le châtiment, lorsqu'elle se tient devant le châtiment au bord de l'enfer, c'est trop tard. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, si tu les voyais quand ils seront placés devant le feu, ils diront alors, hélas, si nous pouvions être renvoyés sur la terre, nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur et nous serions du nombre des croyants. Sourate Al-An'am, verset 27. Hélas, si nous pouvions être renvoyés, c'est-à-dire sur la terre, dans ce bas monde. Cheikh dit, imagine-toi cette tristesse, mon frère, comme grande est-elle. Imagine-toi, Cheikh dit, تخيل هذا من تخيل هذه الحسرة يا أخي ما أشدها تخيل هل من عودة بعد تطاير الصحف وبعد أن وضع الميزان موازين أوامر الله وبعد أن ينقسم الناس إلى قسمين فريق في الجنة وفريق في السعير يا إخواننا لا ندري بماذا نتحدث أحيانا نتهم أنفسنا بل نتهم أنفسنا دائما نحن نذكر هذا ونذكر هذا وهل هو مصير الحجارة هل هذا مصير الأشجار هذا مسير الجن والإنس ما منكم يا إخوتاه عنده وثيقة من الله من منكم أنه لا يدخل النار من يقول هذا والله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون شيخ الدي imagine toi y a-t-il un retour possible? Est-ce qu'on peut revenir en arrière après que les registres aient été déployés? Et après que les balances aient été placées et les ordres d'Allah? Et après que les gens soient séparés en deux catégories? Un groupe au paradis et un groupe en enfer? Oh mes frères, nous ne savons pas quoi dire. Parfois nous nous accusons nous-mêmes, mais de plus nous nous accusons toujours nous-mêmes. Nous disons cela, et est-ce la destination des pierres?

et que tu fasses miséricorde à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et d'unir ses rangs et d'unifier sa parole au Seigneur des mondes. Rends-la victorieuse contre ses ennemis d'une victoire puissante et consolidée. Oh Allah, prends-nous par nos mains vers toi. Oh Allah, prends-nous par nos mains vers toi. Et ne tiens pas compte de nos actions ni de nos paroles. Oh toi, le plus miséricordieux des miséricordieux. Et que le salut soit sur les envoyés. Et toutes les louanges reviennent à Allah, le Seigneur du monde. Wallahu a'lam, subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.